Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le bureau exécutif de la formation politique dirigé par Charles Ndithijé a pris la décision de le suspendre dans ses fonctions de président de cette aile de l'IPRONA, non reconnu par le ministère de l'Intérieur. Et pour Bonaventure Gassoutois, porte-parole de ce groupe de politiciens dirigé par Charles Ndithijé, cette décision a été prise par un groupe de personnes qui veulent entrer dans les institutions à travers le dialogue mené par Benjamin Mkapa. Et à l'occasion du 6e anniversaire des activités de l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers, AVDP en sigle, le président de cette association déplore que la population carcérale dépasse les 10 000 au niveau national, alors que la capacité, elle, ne devrait pas dépasser les 4 000. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la population de trois collines de la commune Niabikele en province Karoussi est dans le désarroi après la destruction ce vendredi des champs de culture par une forte pluie mêlée de grêle. En actualité sous-régionale, en RDC, les obsèques d'Étienne Tshisekedi, décédé mercredi soir 1er février dans la capitale belge, prennent une allure politique. Le gouvernement et son parti, l'UDPS, ont annoncé chacun de leur côté la mise en place d'une commission en vue d'organiser cet événement. Les partisans de cet opposant historique en RDC mettent en garde que personne d'autre que le premier ministre désigné par l'UDPS ne doit recevoir le corps de leur leader. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, des tirs intermittents ont été entendus ce vendredi dans la réserve naturelle de la Roukoko, faisant plus de peur que de mal aux personnes qui cultivaient dans leurs champs et qui sont directement rentrées. Des sources militaires affirment que ces tirs n'étaient pas localisés sur le sol burundais, mais plutôt au-delà de la rivière Rusizi, en République démocratique du Congo. Et l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers, AVDP, déplore que la population carcérale dépasse le chiffre de 10 000 au niveau national, alors qu'elle ne devrait pas dépasser, ne devrait dépasser que de très peu les 4 000. Le président de cette association a fait cette déclaration à l'occasion du 6e anniversaire des activités de leur organisation, précisant que la lenteur du traitement des dossiers des prisonniers en est une cause. Jean-Pierre Ninelete demande à la justice d'y réserver la priorité et d'appliquer convenablement la récente grâce présidentielle. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Boukayenez. Pour le moment, l'état de lieu des détenus au Burundi, c'est une situation alarmante parce que d'abord, ils sont nombreux dans les différentes prisons et il y a aussi dans les différentes visites que nous effectuons, nous observons qu'il y a l'absence des procès verbaux d'arrestation. Il y a la détention aussi des enfants n'ayant pas encore atteint la majorité pénale. Il y a aussi des détentions pour des affaires civiles et il y a aussi des détentions pour des faits qui ne sont pas érigés en infraction. Cela s'observe dans les différents cachots, surtout à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, la population pénitentiaire est de 10 049 détenus, plus 78 nourrissons, soit 10 127. Le total des prévenus est de 5 040 adultes et 25 mineurs, soit 5 065. Le total des condamnés jusqu'à aujourd'hui, c'est de 4 893 adultes et 81 mineurs, jusqu'au mois de décembre de l'année passée. C'est une population qui dépasse la population d'accueil. Alors cela fait que les prisonniers ne vivent pas dans de bonnes conditions dans ces prisons. Il y a des détenus qui n'ont pas de dossiers. Pour endiguer cela, c'est que les autorités habilitées devaient prendre à main cette question. D'abord, dans les cachots, il faut que les OPJ fassent de leur mieux pour que les dossiers des détenus avance convenablement. Dans les prisons, on devait d'abord chercher à ce qu'on en dégorge les prisons, soit en construisant d'autres prisons, ou aussi en mettant en application la mesure prise par le président, correctement parce qu'il y a des détenus qui devaient être relaxés alors qu'ils restent dans les prisons. Il y a une mesure qui a été prise par la ministre de la Justice pour élargir les prisons. Il faut que cette mesure soit appliquée, donnée une autre ampleur qui n'est pas ce que nous observons aujourd'hui. Voilà, c'était Jean-Pierre Ninelete, c'est le président de l'Association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers, AVDP en sigle. Le bureau exécutif de la formation politique dirigé par Charles Nditigé a pris la décision de le suspendre dans ses fonctions de président de cette aile du parti UPRONA non reconnu par le ministère de l'Intérieur. Évariste Ngaïmhenda, son vice-président, explique que leur président ainsi que les députés Bonaventure Gassoutoua et Ladislas Nindereye sont suspendus pour avoir violé le règlement de leur formation politique. Suivez Évariste Ngaïmhenda au téléphone avec Didier Nyonzima. Pour le cas du président Charles Nditigé, il est absent du pays, cela depuis plus de 8 mois. Or, l'article 39 des statuts constitutifs de notre parti préconise que, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président le remplace. Mais au-delà de cela, il se trouve que, malgré qu'il soit absent, le président Charles Nditigé continue à prendre des décisions en dehors des organes. Il va même jusqu'à chercher à subordonner les organes. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il a suspendu le porte-parole du parti, Tassis Womana, alors que ce n'est pas lui qui l'a nommé. Parallèlement, il refuse de participer au processus de dialogue pour autant qu'il soit présidé par le président Mokapa, ou au motif que le Sénarède n'est pas invité comme tel. Or, toutes ces décisions n'émanent pas du bureau, alors que ce sont des décisions qui émanent du bureau. En fait, il a désobéi aux organes du parti, il a désobéi au bureau, et le bureau n'avait plus qu'à en prendre acte et donc à le décharger. Il semble honorable Gassoutoua. La raison de sa suspension tient au fait que depuis près de 6 mois, il ne répond plus aux réunions du bureau exécutif, alors que les statuts qui organisent notre parti l'obligent à répondre à toutes les invitations. Et au-delà de cela, l'honorable Gassoutoua est là pour répercuter localement toutes les mauvaises décisions que le président prend et il organise régulièrement des réunions parallèles alors qu'il refuse de participer aux réunions statutaires. Voilà la raison pour laquelle il a été suspendu. Pour répondre à l'invitation du facilitateur du dialogue inter-burundais, Benjamin Mukapa, c'est Richard Nditigé qui était le chef de la délégation. Alors, prochainement, comment allez-vous faire justement pour répondre à l'invitation du dialogue inter-burundais une fois que vous serez invité par le facilitateur? En décidant de la suspension de l'honorable Charles Nditigé, le bureau exécutif du parti Burundi a du même coup décidé de le remplacer et de reconfigurer la délégation du parti Burundi au dialogue inter-burundais d'Arusha. Qui va être à la tête de votre formation politique? L'article 39 prévoit que en cas d'absence ou d'empêchement du parti Burundi, c'est le vice-président qui le remplace. C'était le professeur Évariste Ngaïmhenda pour Bonaventure Gassoutoua. Cette décision de destitution du professeur Charles Nditigé n'a pas suivi la procédure régulière. Il est porte-parole de ce groupe de politiciens dirigé par Charles Nditigé. Il dit que cette décision a été prise par un groupe de personnes qui veulent entrer dans les institutions à travers le dialogue mené par Benjamin Mkapa, alors que celui-ci a été récusé par le Sénarède, dont ils font partie. Suivez Bonaventure Gassoutoua. La procédure légale n'a pas été suivie. D'ailleurs, je voudrais préciser que ce n'est pas le bureau exécutif, contrairement à ce qu'ils prétendent. C'est un petit groupe d'une vingtaine de personnes, lequel groupe, en fait, est en train de chercher à entrer dans les institutions. Ils disent une chose et font le contraire. Ils veulent entrer dans les institutions alors qu'ils disent que ces institutions sont illégales et illégitimes, d'autant plus qu'elles proviennent des élections qui ont violé l'accord d'Arusha et la Constitution. C'est ce qu'ils disent, mais aujourd'hui, ils veulent entrer dans les institutions à travers les négociations conduites par Benjamin Mkapa, alors que vous savez très bien que Benjamin Mkapa est du côté du pouvoir. Nous ne pouvons pas comprendre comment des gens peuvent suivre un soi-disant médiateur qui est penché d'un côté. Donc, je voudrais donc préciser cela. Cette procédure est complètement illégale parce que le président du parti UPRONA ne peut être destitué que par le Congrès. Donc, une vingtaine de personnes ne peuvent pas remplacer le Congrès. Une deuxième chose, en réalité, à y regarder de près, ils n'ont pas destitué le président du parti à la tête du parti. Ils veulent le remplacer dans une délégation qui doit conduire les négociations d'Arusha. En réalité, ce petit groupe d'une vingtaine de personnes, ils sont partis. En réalité, ils vont partir comme les autres sont partis avant eux. Mais Libertas Sigana reste serein, restent solidaires. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Les Badassigana gardent l'esprit de Badassigana. Donc le parti ne va pas souffrir pour autant parce que les gens sont en train de courir derrière des postes et autres. Voilà, c'était Bonaventure Gassoutoua dont les propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. Il est 13h08 à Bujumbura. La population de trois collines de la commune de Nyabikere en province Karoussi est dans le désarroi après la destruction de ce vendredi des champs de culture par une forte pluie mêlée de grêle. 21 maisons ainsi que des écoles fondamentales ont été également détruites. L'administrateur communal demande de l'aide d'urgence à sa population. Les détails avec notre correspondant Blaise Pascal Kararoumiye. Les collines les plus touchées par ces pluies torrentielles qui ont détruit complètement les cultures des champs et les maisons sont les collines de Ruhuma, Saba et Gatonde. Comme l'indique la population sur place et l'administrateur communal, les cultures de maïs, de haricots, de pommes de terre, de bananiers, caféiers ou autres ont été complètement endommagées que cette population n'a plus depuis ce vendredi d'espoir pour sa vie. L'administrateur communal indique que ces pluies torrentielles mêlées de grêle sont venues renforcer la détresse de cette population qui était aussi victime d'une prolongation de la sécheresse. Ces pluies torrentielles ont aussi détruit deux écoles fondamentales successivement à la colline Tava et Anganda. L'administrateur communal Léontas Nakumu Diango informe aussi que 21 maisons ont été détruites, dont 12 maisons au village de Petokuitava et 9 autres à la colline Ruhuma. Il demande au gouvernement et aux organisations et à toute âme charitable de bien venir en aide à cette population qui est aujourd'hui en détresse. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. On reste dans ce domaine de l'agriculture pour vous dire que le directeur de l'agriculture et de l'élevage en province Ngozi invite les agriculteurs à s'atteler davantage aux cultures de soudure. Comme par le passé, Lazare Nsagouye s'inquiète de la disparition progressive de la patate douce, de la pomme de terre et du manioc en Ngozi, ce qui pour lui est la cause principale de la famine qui perdure dans cette province. Les précisions de notre correspondant Apollinaire Muzagara. Trouver de la patate douce et de la colocase n'est pas chose facile au marché central d'Ngozi ces jours. Le manioc en tant que culture de soudure est disponible mais n'est pas accessible à tous. Le prix de cette denrée alimentaire a doublé voire plus. Pour la patate, au lieu de repiquer directement les boutures juste après la récolte, les boutures servent actuellement de fourrage pour le bétail et l'annonce de la nouvelle mesure de garder le cheptel dans les étapes déplore Lazare Nsagouye, directeur provincial de l'activité de l'élevage en Ngozi. Quant au manioc à la colocade, cet agronome conseille la population d'Ngozi de récolter pendant la saison de pluie pour sauver les boutures de manioc et rhizomes de colocade. Sinon, dit-il, les boutures et rhizomes sèchent si la récolte se fait pendant la saison sèche. Les principales causes de la terrible pénurie de ces cultures dans cette province, ces jours, selon le député provincial de l'activité de l'élevage, il continue en demandant aux agriculteurs d'Ngozi de mélanger dans un peu de boutures de patates douces aux haricots semés pendant la saison culturelle A et B, comme on le faisait dans l'autre, sans oublier de repiquer des boutures de patates le long de bandelettes se trouvant dans les marches. Le directeur provincial de l'élevage en Ngozi affirme que cela constitue l'un des moyens les plus sûrs de faire face à la famine qui fait parler de ces jours-ci dans cette province. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Hatio, Isanganiro. Merci Apollinaire, vous aurez compris que vous aurez entendu dans ce reportage que la pomme de terre n'est pas concernée par cette disparition, c'est plutôt la colocase. Et même si la saison culturelle a connu des perturbations liées au changement climatique, Aruyigi, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, garde espoir que la production du haricot sera bonne. Festus Suneyawo aussi appelle les agriculteurs à préparer la saison culturelle B en adoptant des cultures qui résistent aux aléas climatiques et à penser déjà aux techniques d'irrigation. Suivez plutôt Festus Suneyawo, c'est le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Aruyigi au micro de Médard Niyonguru. La saison 2017 a connu des perturbations climatiques. Je dirais que les pluies ont tombé tardivement, mais nous voyons qu'il y a espoir quand même sur la culture de haricots, parce que nous voyons que dans des semaines qui viennent de passer à faire la récolte, il y a quand même des productions qui, je dirais, qui sont meilleures. Et nous voyons que le prix a passé de 1600 à 1000 et 1200 pour le moment. Un petit rappel aux agriculteurs, surtout pour la préparation de la saison culturelle A. Je donne un rappel à la population pour qu'ils puissent faire une bonne gestion, surtout à ne pas gaspiller toute la récolte sur le marché. Et aussi, comme nous sommes dans la phase de préparation pour la saison 2017B, je communique à la population que le 3 février 2017, c'est le début de paiement des soldes pour avoir les engrais chimiques qu'ils puissent utiliser pour cette même saison. Mais pour parier à ces défis de changement climatique, il faut que la population sache utiliser les qui puisse résister ou bien tolérer au changement climatique. Je donne l'exemple de culture de manioc, patate douce et la banane. Mais aussi d'alterner dans le semis pour des autres cultures au moins d'une semaine pour que s'il y ait des intempéries, que tout le champ soit abîmé en totalité. En cas de déficit hydrique, il faut qu'il fasse l'irrigation. Est-ce que les agriculteurs savent bien utiliser ces techniques d'irrigation? Et la population, je dirais que certaines ont la chance d'avoir des renforcements de capacité, surtout à la gestion de l'eau sur les marais aménagés. Mais pour l'irrigation par gravité, il y a encore à faire parce que la population ne sache pas que si les collines, on peut irriguer pour avoir des côtes. Alors, la DPE va s'en charger d'ici peu pour vulgariser cette méthode et je ne doute pas que la population va adopter cette méthode. Radio Isanganiro Chronique. La méthode aveugle utilisée par les instrumentistes pour jouer à différents instruments est basée sur l'habitude dans le placement des doigts de l'artiste sur les cordes d'une guitare ou le clavier d'un piano. Daniel Nshimirimana, un guitariste aveugle, nous explique dans cette chronique Agriculture comment il a appris à jouer à la guitare et comment il progresse. Christian Savier pour les détails. Jouer aux instruments, il faut une très grande précision, un œil que ne peut pas avoir n'importe qui, sauf celui qui a du talent. L'handicapé, lui, doit fournir encore plus d'efforts, et s'il parvient, il devient plus fort que certains non-handicapés. À l'exemple de Daniel Nshimirimana, chanteur, instrumentiste, qui joue à la guitare, il nous parle comment il joue aux notes, par exemple le do. Pour jouer bien la guitare, comme déficient visuel, c'est pas très facile, mais on s'entraîne jour à jour. Si on est en train d'apprendre comment on peut prendre le do, notre do, on suivit les numéros des doigts, parce qu'il y a premier doigt jusqu'au quatrième doigt. Alors, si on prend premier doigt sur deuxième corde dans la première case, ainsi que deuxième doigt sur la quatrième corde dans la deuxième case, ainsi que le troisième doigt sur la cinquième corde dans la troisième case. Même les non-handicapés ont du mal à placer correctement leurs doigts sur les cordes d'une guitare. Daniel nous parle comment il y parvient. C'est très facile. Justement, tu rencontres beaucoup de difficultés. Si on joue le do malement, tu vois que tu as mal joué. Alors, il faut placer les doigts dans la première case en utilisant les oreilles. Tu écoutes la sonnerie de notes. Certains instrumentistes qui ont un handicap jouent aux instruments mieux que ceux qui ne sont pas handicapés. Le secret est dévoilé par Daniel. Oui, parce qu'à vouloir ses pouvoirs, on le fait avec le tout cœur. On fait beaucoup de recherches et tu améliores dans tes activités. Les sources d'inspiration ne manquent pas. L'inspiration de l'entourage ou bien de la Bible, le journal de différentes radios ou bien télévisions, qui on peut lire les journaux jour à jour. Les difficultés que rencontrent les artistes avec un handicap ne manquent pas aussi. Premièrement, le moyen de déplacement, ainsi que le mépris des gens est aussi un grand problème pour les déficients visuels et les handicapés en général. Vous saurez que dans les centres et les écoles qui accueillent les jeunes handicapés, on y trouve des talents qu'il faut mettre sur surface. mais c'est sur le www.isanganiro.org. De nouvelles en actualité africaine, le corps d'Étienne Tshisekedi décédé mercredi soir 1er février dans la capitale belge sera exposé pour une dernière veillée ce dimanche 5 février à Bruxelles au palais 2 du SLA. Il s'agit d'un grand centre d'exposition mis à disposition des proches de l'opposant historique congolais par la ville de Bruxelles. Trois veillées funéraires sont prévues. La première a eu lieu vendredi soir. Entre-temps, il n'y a toujours pas de programme pour le retour du corps de cet opposant historique en RDC ou ses obsèques qui prennent une allure politique. Le gouvernement et l'UDPS ont annoncé chacun de leur côté la mise en place d'une commission en vue d'organiser cet événement. Et ce vendredi, à Limété, dans le quartier de la permanence du parti et de la résidence de son président, les combattants étaient formels. Hors de question que le corps ne rentre avant que le nouveau gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre ne soit mis en place. Personne d'autre que le premier ministre désigné par l'UDPS ne doit recevoir le corps de leur leader, mettait-il en garde, promettant des troubles dans le cas contraire. Et l'un des porte-paroles de la conférence épiscopale avait annoncé que la CINCO suspendait les négociations en vue de la mise en place de ce gouvernement jusqu'à l'enterrement. Mais le présidium n'est pas là et c'est lui qui doit prendre la décision finale, dit le secrétariat de la conférence épiscopale. Et le Parlement européen a adopté ce jeudi une résolution concernant le Gabon et la crise post-électorale qui a suivi la présidentielle d'août 2016. Les députés ont condamné les violations des droits de l'homme. Ils ont aussi taclé le processus électoral en jugeant que les résultats de la présidentielle manquaient de transparence et étaient extrêmement douteux. Selon eux, la légitimité du président Bongo est même remise en cause. Les parlementaires ont donc demandé au Conseil européen de demander des explications à Libreville et de prendre éventuellement des sanctions. Un texte qui, bien évidemment, satisfait Jean Ping, l'opposant qui se considère toujours comme le président élu. Il est 13h, bientôt 20 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ouimana. Nous vous souhaitons de passer un très beau week-end à l'écoute de nos programmes.